Ok, sans motif. Seul au mic, seul au mic. Seul au mic. Seul au mic. Seul au mic. Seul au mic. Seul au mic. J'ai beau haïr la ville, je dois quand même dire que cette guerre m'excite. Quand je pense qu'on peut prendre un coup de chasse pour une galaxie. J'ai une baraque aussi me pète la maison de Valérie. J'ai de l'ambition comme à l'époque où mes sons valaient rien. On pousse de voix sur un support même si on t'insupporte. T'as qui crape de la merde, allez tous vous mettre un support. Vu ce que raconte le rap, on n'est pas du même univers. Je mettrai bien des coups de pompe avec les Nike à Juliver. Je convois tellement les riches, je claque d'un torticolis. À quoi sert ta meuf si elle ne se torticolie? On n'est pas prêt, tirer notre révérence. Et si pour faire une passe qu'on a tiré sur notre référent. Et mon patron monte la tête si tu te sens un peu seul. Les potes on s'ensemble pas comme on rassemble des pieds sur un puzzle. Je vois des quatre ricards qui se tapent pour des goûts musicaux. Moi je suis comme un asset qui n'a pas le dégoût du tricot.